raser la moustache. Toi tu ne me remarques pas. Je peux arrêter les grimaces. Toi tu ne me remarques pas. Je peux m'habiller comme Johnny Depp. Toi tu ne me remarques pas. Souviens-toi quand tu me dessinais des cœurs sur le bras. Souviens-toi quand tu écrivais Anthony plus Sarah. Je peux te donner des surnoms. Toi tu ne me remarques pas. Je peux me raser le pubis. Toi tu ne me remarques pas. Ils disent que je ne suis pas fait pour toi. Et tu ne me remarques pas. Souviens-toi quand tu me dessinais des cœurs sur le bras. Souviens-toi quand tu écrivais Toi tu ne me remarques pas. Toi tu ne me remarques pas.